bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. L'émission Mavrika le vendredi à partir de 19h. On est ensemble jusqu'à 22h. Donc pour une émission Mavrika numéro 649. Et depuis le début de l'émission, déjà on a pris l'antenne à 19h, le temps de se préparer, etc. Vous pouvez retrouver comme d'habitude le programme de l'émission sur le Facebook de l'émission Mavrika. Alors on a commencé par Mayel avec Maman Pourquoi, Pauline à la plage avec L'amour à la plage, le groupe Custom avec une introduction un peu dynamique qui s'appelle Big Bang Intro. Et juste après on a écouté Only Revolution, et à l'instant on vient d'écouter Loving District interprété par le groupe le projet Glass Zone. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. On est ensemble pour écouter 3 heures de bonne musique de des groupes de la région orléanaise, mais pas que, on s'évadera un petit peu de temps en temps. Et on va continuer justement avec un groupe qui nous vient de Talcy. Donc quand on parle de Talcy, on pense bien entendu à l'association Red Daff et au groupe Red Daff. Et d'ailleurs c'est eux que nous allons retrouver tout de suite avec Joe Ozone. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. J'espère que vous êtes tranquillement installé sur votre terrasse et que vous écoutez la radio. Voilà, c'est le meilleur moment. Hein. Après une journée où il a fait assez chaud, vous pouvez enfin vous reposer un petit peu et puis vous déconnecter un petit peu du monde en écoutant de la très bonne musique. C'est pour ça que Radio Arc-en-Ciel est là. Et 24h sur 24, vous pouvez écouter la radio. Et le vendredi soir, c'est bien entendu le rendez-vous de Mavrika, l'émission qui est consacrée aux artistes de la région. Hein. Voilà, les artistes locaux, on va dire ça comme ça. Donc on est situé sur Orléans, donc beaucoup d'artistes viennent de leur région orléanaise, et il y en a certains qui viennent même de plus loin pour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Nous sommes au mois d'août et on va en profiter un petit peu pour justement diffuser le maximum de musique, puisque on est un petit peu aussi en vacances, et on recevra donc des artistes à partir du mois de septembre. Un petit boulet décontracté.

Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel, l'émission des artistes locaux, et on écoute actuellement un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, mais plusieurs membres font partie d'autres groupes, donc l'aventure continue pour le blues. C'était les Blues Factory avec Long Ride. Juste avant, c'était BRS, une superbe voix, des super musiciens, franchement, on est vraiment content de les retrouver pour le prochain Maverick Alive, le 25 octobre, donc le groupe BRS, et le titre qu'on a écouté s'appelle Heartbreak Revenge. Juste avant, encore un groupe qui n'existe plus, qui est vu à l'époque dans l'émission Maverica, ça fait quelques années déjà, c'est le groupe Arcadia. Et nous avons écouté une chanson qui s'appelle La Verticale, et une très belle chanson d'ailleurs. Juste avant, c'était Anaïs from Paris avec le morceau Tombola. Et encore avant, deux groupes qui font partie eux aussi du prochain Maverica Live le 25 octobre, donc à l'espace Béret organisé par l'association Maverica. Il y aura donc le groupe Red Dap, là on a écouté Joe Ozone, et il y aura aussi le groupe Sonic Lag avec le titre Ring. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et on va écouter, on va continuer à écouter de la très bonne musique, donc relaxez-vous, c'est moi qui prends le contrôle de la musique de votre soirée, donc, et on va continuer avec The Happy Go Lucky Band et un morceau qui s'appelle Red Clay Halo. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Marika, c'est là qu'il faut être. I do my best with the soul around the water, but the dead.

on sait qu'on va retrouver des potes et chanter très tard dans la nuit. Et la guitare de trois copains et quelques bières, ça fait du bien. Une guitare, un petit refrain qu'on chante en chœur jusqu'au matin. C'est sûr, parfois on abuse un peu et les réveils sont difficiles. On se met à l'eau un jour ou deux, mais dès que le week-end se profile, nous prend l'envie de remettre ça, de s'éclater, tout oublié. Et l'on se demande qui viendra se joindre à nous pour déconner. Une guitare, deux, trois copains et quelques bières, ça fait du bien. Une guitare, un petit refrain, on chante en frappant dans ses mains. Il y aura sûrement quelques nouveaux, faut pas qu'ils soient intimidés. Ici on se marre, on se tape dans le dos, on n'est vraiment pas compliqué. Si t'es relou ou malfaisant, tu peux rester à la maison. Mais si t'aimes les soirées bon enfant, c'est avec joie que nous t'accueillerons. Une guitare, deux, trois copains et quelques bières, ça fait du bien. Une guitare, un petit refrain qu'on chante en chœur jusqu'au matin. Ces quatre, tu passes dans le coin et tu as perdu ton chemin. Ou si tu veux décompresser, allez, gare-toi et viens trinquer. Dans ce patelin un peu paumé, au l'an 2000 n'est pas passé. Mais où certains ont décidé de voir la vie du bon côté. Et la guitare, deux, trois copains et quelques bières, ça fait du bien. Une guitare, un petit refrain qu'on chante en chœur jusqu'au matin. Une guitare, deux, trois copains et quelques bières, ça fait du bien. Une guitare, un petit refrain qu'on chante en frappant dans ses mains. Une guitare, deux, trois copains et quelques bières, ça fait du bien. Une guitare, un petit refrain, et les ennuis, on verra ça demain. Salut tout le monde, c'est Recto Verso sur Mavrika. Bonne écoute. When the wind picks up and shakes my grounds, I freeze and place afraid to turn around.

she stares at me and goes away in this burning desert. I don't belong to you, and you don't belong to me. My whole car has taken me so far today. Already gone, not going to shut the door. I'm gonna live a better way. The hard times. bear my loneliness. With every step I take away, so long, so far, I turned off the stars. I turned off the stars. Mais nous avons cultivé suffisamment d'arpents pour braver les calamités, résister au vent. Nous avons cultivé suffisamment d'arpents pour braver les calamités, reverdir les champs. Ouais, nous avons cultivé suffisamment d'arpents pour braver les calamités, résister au vent. Nous avons cultivé suffisamment d'arpents pour braver les calamités, reverdir les champs. Semaine, certes j'ai semé le trouble, j'ai jeté ça et là. Quelques atouts en double, avec perte fracas. Et je sème la fanade, je la bourge et la mort. Des pièges à la grenade, des zones de non-confort. Nous avons cultivé suffisamment d'arpents pour braver les calamités, résister au vent. Nous avons cultivé suffisamment d'arpents pour braver les calamités, reverdir les champs. Ouais, nous avons cultivé suffisamment d'arpents pour braver les calamités, résister au vent. Nous avons cultivé suffisamment d'arpents pour braver les calamités. étoiles ont froid, des étincelles. Si tu as une raison d'être qui te lance comme une bête, lâche rien, tout va être beau, le soleil est là. Je suis pas fâché, hein. C'est pas parce que je parle pas beaucoup dans l'émission que justement c'est la priorité à la musique. Justement, je vous laisse en compagnie de la musique. On voyage en musique avec les meilleurs artistes de la région orléanaise. Et d'ailleurs, le groupe qu'on est en train d'écouter actuellement s'appelle The Marge's Dream Pop Orchestra. Ils sont venus il y a pas très longtemps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et justement, ils viennent de la région parisienne. Juste avant, c'était La Vie sur Mars, un autre groupe de la région parisienne, donc il nous a sorti un album, du moins un single en 2023. C'est le morceau qu'on a écouté, ça s'appelle Sillon 2K23. Voilà, j'espère que mon anglais est assez correct. Juste avant, c'était un artiste que nous avons reçu il y a pas très longtemps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, Arnaud Walden, avec son trio acoustique I Turn Off the Stars. Donc très belle musique, très belle mélodie et de très belles paroles en anglais, hein. Voilà. Encore avant, c'était les Sky Oddity avec A Broken Dream. Encore avant, c'était Recto Verso avec Don't Be Afraid. Encore avant, c'était Pierre Boisseau avec la bande à Pierrot. Une guitare, deux ou trois copains. Ça, c'est ça le plus important, hein, c'est de passer des bons moments avec les copains. Encore avant, c'était Alex Le Bail avec Laisse-moi. Encore avant, c'était Chris et Léo au paradis. Encore avant, c'était Radio Charlie avec Never Let You Cup of Indian Tea. Encore avant, c'était Hardaway avec une reprise de Blondie qui s'appelle Call Me. Et encore avant, c'était The Happy Go Lucky Band avec Ray Clay Allo. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et on n'a pas fini d'écouter de la bonne musique. D'ailleurs, on va continuer tout de suite avec un groupe de région de Tours, il me semble, qui est déjà venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel il y a très longtemps, mais qui a sorti des morceaux entre-temps. Donc, on attend de les recevoir aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter leur nouveau travail. Le groupe s'appelle Kill the Shade ou alors KTS, la plupart du temps c'est comme ça que vous allez le retrouver, et le morceau s'appelle Odor. Juste après, ça sera PLS avec Brain Dead. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika, on est ensemble jusqu'à 22h. Je ne reconnais

sans toi, ce qu'ils appellent Dieu. Je fais toi non de leur lâcher, ils en deviennent tous malheureux. Et maintenant je fais le mort. Et maintenant je fais le mort. Falling train.

Falling, you're falling, I'm coming to my life. It's falling, I'm coming to my life.

victory. Artistes sont sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. On a écouté pas mal de bonne musique. C'est vrai que j'interviens pas beaucoup dans l'émission. C'est pour laisser la priorité à la bonne musique. Voilà. On est sur Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Mavrika. On est ensemble jusqu'à 22h et on a écouté le groupe PLS avec Brain Dead. On a écouté le groupe Ombrage qu'on a reçu il y a quelques semaines ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec un morceau qui s'appelle We Have to Pray. Skawax avec Réseaux Sociaux. Ce groupe qui malheureusement n'existe plus, que j'ai eu l'occasion de voir à deux reprises en concert. concerts qui ont envoyé vraiment du bois. Le groupe RNC's avec You Can Shake, le groupe Blast avec Il n'y a plus de PQ, hein, c'était à les périodes où justement dès qu'il se passe quelque chose sur en France, on a un petit peu peur, on se précipite tous sur le PQ. C'est comme ça, c'est un phénomène qui existe. Et puis Blast avait eu l'idée d'écrire une chanson à propos de ça, ce qui est vraiment pas mal. Le groupe Prisma, Give Me Your Body, le groupe Skydroll qu'on a reçu il y a pas très longtemps aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec Burn, le groupe Sika, toujours un plaisir de les retrouver, ils ont participé à Maverick Live il y a pas très longtemps, toujours un plaisir de les voir sur scène avec le titre Trouble, de Last Magic Doors qui sont venus il y a pas très longtemps dans les studios, que j'ai vraiment envie de voir sur scène très bientôt. Le titre qu'on a écouté s'appelle The Wizard, et actuellement on écoute, ça fait vraiment du bien, un groupe qui n'existe malheureusement plus, s'appelle Birmingham, et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Ferry Train. On est ensemble encore pour quelques temps, donc on va continuer avec un groupe qui s'appelle Drive to Amnesia, un groupe de la région orléanaise. Le titre c'est Catch the Time, et on poursuivra avec The Cross Band avec Hide on Humble. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. face. pensais que les meilleurs artistes étaient sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika, et ben ce sont les Uncle Vikers avec The Tale of Joey D. Juste avant, c'était The Crass Band qui a participé au précédent Mavrika Live. C'était il y a quelques temps, c'était Mavrika Live numéro 14. Le titre, c'était High and Humble. Encore avant, c'était Drive to Amnesia, Catch the Time. Et juste après, on va écouter un groupe qui nous fait de la bonne musique depuis une quarantaine d'années, hein, quand même. C'est des gens qu'on apprécie beaucoup. D'ailleurs, la petite musique sur laquelle je parle en présentation dans l'émission Mavrika, bah, c'est eux qui l'ont composé, c'est Midnight Drum. Et là, je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle Escape and Runaway. Et ce sont, bien entendu, les Burning Heads sur Radio Arc-en-Ciel. Far from his own, and all the time I go, fleeing the enemy. arc-en-ciel. Les meilleurs artistes sont dans l'émission Maverick le vendredi soir. À partir de 19h jusqu'à 22h, nous sommes ensemble pour 3 heures de bonne musique. Et nous découvrons les artistes, les stars de demain. Et c'était à cette occasion-là, justement, qu'on a écouté tout à l'heure The Brunettes avec Lover Song. Un morceau qui a été composé spécialement lors de leur passage dans l'émission Maverick. Ils n'avaient pas encore d'enregistrement. Et ils avaient fait cet enregistrement spécialement pour pouvoir le diffuser le jour de leur passage dans l'émission Mavrika. Ils étaient venus ici dans les studios, c'est un très bon souvenir en tout cas. Juste avant, c'était le groupe Kaysaria, un groupe de la région alsacienne, hein, voilà tout simplement, qui est passé une fois par Orléans, j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Ils m'ont promis d'un jour de venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter leur travail. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Rockstar. Et encore avant, c'était donc nos rockers, nos punk rockers, voilà, les Burning Head avec Escape and Run Away. Et je peux vous rappeler que justement ils seront à l'occasion du prochain festival organisé par l'Asso Défi, Un Autre Monde. Ça sera au Parc Pasteur. Il y aura entre autres les Sukhoi Fever, Pete Sampras, les Burning Head. Il y aura The Happy Go Lucky Band qu'on écoutait tout à l'heure, Tiziana Valentin, Christian Olivier. Et il y aura aussi un set de DJ, donc DJ Santo et Blue Demon. Ça sera donc au Parc Pasteur le 29 et le 30 août, donc un événement à surtout ne pas louper. J'ai aussi un petit message à vous faire passer justement d'une personne que vous connaissez forcément si vous écoutez Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika, mais pas seulement, c'est la personne qui fait les podcasts de toutes les émissions sur Radio Arc-en-Ciel et qui les met sur Internet, et vous avez la possibilité comme ça, si vous avez loupé les émissions ou si vous avez envie de les réécouter, parce qu'elles vous ont fait plaisir, ben vous pouvez dire merci à notre ami Florent Amigo. Alors, il peut pas nous faire un petit message ce soir, mais il nous a écrit, donc je vais vous lire exactement son petit message. Alors, bonsoir, c'est Florent Amigo. Je vous souhaite de bonnes vacances à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Je reviens officiellement pour tous les podcasts le 19 août. Bonne continuation de vacances à tous nos auditeurs. Voilà, il y a une petite erreur sûrement due au texto de Radio Arc-en-Ciel. Donc, on remercie en tout cas Radio Florent Amigo pour tout ce qu'il fait pour la radio. C'est vraiment très important et il fait partie de l'équipe hein, de Radio Arc-en-Ciel. Grâce au travail qu'il fait à partir de chez lui, il enregistre les émissions et vous les met en podcast sur un lien, le lien qu'on partage donc après sur tous les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, allez aussi sur sa page, hein, je pense que ça lui fera plaisir. Vous le remerciez de ma part en tout cas, Florent Amigo, le podcasteur de l'émission Mavrika et de toutes les émissions de Radio Arc-en-Ciel. On va continuer avec encore de la bonne musique. Alors moi je vous ai préparé encore deux bonnes choses. Il y a un groupe qui était venu il y a pas très longtemps, c'est le groupe Narcos. Le morceau que nous allons écouter s'appelle Addicted to You. Et j'ai oublié de vous présenter le titre qu'on vient de finir d'écouter. Ça s'appelle Jekyll Wood avec On the Corner. Vous êtes dans l'émission Mavrika. On est ensemble jusqu'à 22h et c'est sur Radio Arc-en-Ciel. In my heart, angels, we never cry. When you say I'll be there for you. When my soul wants to say goodbye, I think about you. In my dreams, angel, we never cry. I always find you. I'm still need you. I'm still need you, 'cause I'm an addicted to you. I pray this for a call me. I just wanna cry, just

take you in my arms and tear that what is oh, n'a-t-elle pas eu l'audace? Elle s'est désabusée de l'adversité. Cette espèce de con se détruise Léon, mais Denise la tise. Dans sa voiture grise, elle appuie à fond sur ce gros con, sur le champignon de sa voiture. Allez, Denise! Allez, Denise! Denise se déguise quand elle voit Léon. Denise et Léon sur le perron. Denise se déguise quand elle voit Denise. Denise et Léon sur le perron. Denise, quand elle pique, oh, une crise, il n'y a pas que l'aide, il n'y a pas que d'agneau là. Mais tu vas, casse-toi, salope. Et son mari Léon, qui voit les baluchons, aigri comme un ton. Elle revient, alors, je t'aime. Ouais, encore sans toi. Denise se dégrise quand elle voit Léon. Et t'as le sac qui te touche, je sais pas. Son allez, fais chier. Léon se déguise. Dégage, le coffre. Quand il voit Denise. Ah, elle dégage. Denise et Léon. Sur le perron. Il aime bien jouer avec les mots. Pierre Dorenlo avec le groupe Dorenlo sur le perron. Juste avant, c'était Rascasse qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, avec un titre qu'on aime beaucoup. Hein. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me le demander. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter Radio Arc-en-Ciel et l'émission Maureka. Ça fait vraiment plaisir de voir les gens faire une émission. Je suis là tout seul dans mon studio et beaucoup de gens se connectent sur Facebook, etc. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits messages, ça me fait toujours plaisir. Et puis, donc, Rascasse avec un morceau qui qui s'appelle MD. Encore avant, bah ça je vous le présente plus, c'est un morceau que j'adore, ça s'appelle Rosa et c'est le groupe Jash qui l'interprète. Encore avant, c'était Addicted to You avec Narcos, ancienne composition puisque maintenant le chanteur a été remplacé par une chanteuse. Voilà. On va continuer avec un petit souvenir dans l'émission Maverica. À une époque, il y avait un artiste qui venait assez régulièrement dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Depuis, il a mis un petit peu la musique de côté. Je crois qu'il y revient un petit peu, donc on va le diffuser avec beaucoup de plaisir. Ce souvenir, ça s'appelle Bois de Boulogne et c'est interprété par Éric Torel. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Maverica. Encore quelques minutes, profitez-en au maximum. Direction Bois de Boulogne pour pouvoir appâter ces filles bien trop bonnes pour un pauvre pied nickelé. Tout seul en mobilette, j'emprunte que des petits chemins. Ah, j'en vois une pauvrette, seule avec ses gros seins. Je m'arrête à côté d'elle et je lui demande c'est combien. Hé, hey, putain des games, c'est mieux que tu passes ton chemin. J'enfourche ma bécane. Ce soir je suis de sortie. Je laisse mes états d'âme pour une fois cette nuit. Je veux oublier le drame de ma bien triste vie et courtiser ces dames qu'on appelle fille de fille. Deuxième sera la bonne, elle pourra pas refuser. Ah non, merde, c'est un homme vraiment bien déguisé. Avec ses hauts talons, ses jambes bien aiguisées. Et sa paire de poumons, plus que s'il y connaît. Je pense qu'une surprise m'attendait au tournant. Elle me l'aurait bien mise dans ce petit bois charmant. Fourche ma bécane. Ce soir je suis de sortie. Je laisse mes états d'âme pour une fois cette nuit. Je veux oublier le drame de ma bien triste vie et courtiser ces dames. Fille de vie, je continue ma route, en v'là une autre super. Je lui demande combien ça coûte pour une nuit d'enfer. Hé, hey, l'enfer, c'est toi, tu peux mieux te dégager, hein. T'as vu ta face de rat et casse-toi, sale paumé. Avec ma gueule rebelle, mon vieux cuir déchiré, je remonte sur ma selle. Il est grand temps de rentrer. J'enfourche ma bécane. Ce soir je suis de sortie. Je laisse mes états d'âme pour une fois cette nuit. Je veux oublier le drame de ma bien triste vie et courtiser ces dames qu'on appelle fille de vie. Je suis un peu déçu, mais je vais aller retrouver comme un jeune trou du cul la petite poignée. Honey, honey, you can play it out. That's no un groupe incontournable de la scène rock orléanaise, le groupe Chili Dogs avec That's Love. Juste avant, c'était Eric Torrel avec Bois de Boulogne. Et juste après, on va écouter un groupe qui était venu il y a quelques temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est un groupe de punk, hein, donc, mais ils sont très gentils, vous inquiétez pas, parce que souvent, avec l'apparence, les punks, on a toujours un petit peu peur, je sais pas pourquoi. Et le groupe s'appelle Corrosive System, et le morceau qu'on va écouter s'appelle 99%. Voilà. Et on terminera cette émission avec la tournée du Baron, la grosse sauce. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, je vais vous dire les phrases magiques, hein, que le rock'n'roll soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur. Et everything is gonna be alright, comme dirait Trump. Voilà. En attendant, on arrive à la fin de cette émission. Et puis, je vous souhaite donc à tous ceux qui sont en vacances, de bonnes vacances. Profitez-en au maximum. Pour tous ceux qui sont en week-end, profitez aussi du week-end, hein. On est vendredi soir. N'hésitez pas à sortir, aller voir les groupes, les applaudir. Ça, c'est vraiment important. Les soutenir. Et puis, de toute façon, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sans aucun souci. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine à partir de 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz. Hein, vous regardez sur votre tuner. Si vous êtes chez vous et vous n'avez pas forcément un tuner FM, vous pouvez aller sur Internet tout simplement. Vous cherchez www.radio-arc-en-ciel et vous tombez sur nous, la radio orléanaise. Donc, on peut nous écouter partout dans le monde, même si vous êtes en vacances, vous pouvez emmener avec vous votre musique, celle que vous aimez, celle de la région d'Orléans. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et on continue donc avec Corrosive System 99% et on terminera avec la tournée du Baron, la grosse sauce. Je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt. des histoires qui résonnent. Car tout le monde ici a eu dans son passé un lot de péripéties qu'on aime à se rappeler. Dans l'histoire de Solène, la patronne du bar, une costaricaine qui a pris un nouveau départ. À la mort de son mari, elle s'est installée là pour ouvrir son boui-boui, accueillir tous ses gars. Son cher Rousseau, il fait toujours beau. Tout le monde a une histoire à raconter le soir. Son cher Rousseau, il fait toujours beau. Au comptoir vous attend histoires et légendes. Attaqué plusieurs fois par des monstres des abysses, il aime nous raconter ses histoires, ses intrigues. Car depuis des années, c'est dans son verre qu'il navigue. Penché à l'eau, il fait toujours beau. Tout le monde a une histoire à raconter le soir. Penché à l'eau, il fait toujours beau. Au comptoir vous attend histoires et légendes. La Légion. Il a connu des guerres et des révolutions. Il nous explique comment, au cœur d'immenses forêts, lui et son régiment ont été attaqués. Il y a des voyageurs qui ont fait le tour de la terre. Ils nous comptent leur bonheur, mais aussi leur galère. À travers leurs paroles, tous les clients voyagent. Ils suivent leur boussole sans bouger de cet étage. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, São 9 da noite, mais 7 minutos em Portugal continental, menos uma.